Anyangi. Nous sommes mercredi 8 juillet. Bonjour fidèles auditrices, auditeurs et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. 28 cas testés positifs au COVID-19 sur 670 échantillons prélevés lundi 6 juillet dans trois centres de dépistage et différents hôpitaux. Les agriculteurs sont appelés à payer l'avance pour l'engrais subventionné dès lundi 13 juillet. C'est jusqu'au 2 août de cette année. Dans cette édition, la Commission électorale nationale indépendante CENI a appelé les candidats sénateurs au respect de la loi. Dans un point de presse de ce mercredi, Pierre Claver-Akazi se demande aux candidats à l'élection collinaire d'attendre le décret convoquant cette élection. L'on reviendra également sur l'émission d'un élu collinaire ou de quartier. Dans la chronique N, vous aurez le discours humanisant dans cette édition, mise en onde par Innocent Biboniman. Page santé pour débuter cette édition. 28 personnes ont été testées positives au COVID-19 sur 670 échantillons prélevés lundi 6 juillet. Selon le ministère de la Santé, sur les trois sites de dépistage en mairie de Bujumbura, 640 ont fait objet de dépistage alors que 30 échantillons proviennent de différents hôpitaux publics et privés. Pour rappel, ces trois centres sont les TES Kamenge pour la commune Nahangwa, l'hôtel Source du Nil pour la commune Mukaza et le terrain de la paroisse Kanyosha pour la commune Muha. Ce dépistage de masse fait suite à la mesure du président burundais de faire face au COVID-19 et les mesures d'opérationnalisation de la campagne à résultats rapides de lutte contre le COVID-19 fait partie de l'ordre du jour du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Toujours en page santé, le ministère de la Santé appelle les Burundais à porter des masques en coton. Dr Tadé Ndikumana indique que ces masques peuvent durer plus longtemps et qu'on les fasse bouillir pendant 20 minutes avant de les porter. Le ministre de la Santé conseille toute personne de porter un masque, surtout quand il doit participer dans des rassemblements publics. On l'écoute, traduit en français par Fidèle d'Antoine Sabiman. Nous voyons que dans d'autres pays, on exige le port de ces masques. C'est vrai, nous voyons qu'ici au Burundi, il y a des lieux où se rassemblent beaucoup de personnes. Celles ne peuvent pas respecter la distanciation. C'est mieux de les porter pour ne pas tousser ou atténuer sur une autre personne qui est à tes côtés. En général, il y a trois sortes de masques. Il y a le masque chirurgical qui fait que toi qui le portes, tu ne contamines pas les autres. Puis, les masques qu'on appelle foulards qui aident dans la diminution de la contamination du virus. C'est moins protecteur par rapport au masque chirurgical car si tu respires, tu peux voir que ton oxygène ne sortait pas très bien. Et en fait, il y a des masques qu'on utilise dans les districts sanitaires appelés respirateurs. Ces masques que nous portons ici peuvent être utilisés pendant 6 heures ou 8 heures par jour. Ça dépend dans quelle matière il est fait. Mais pour la population, il y a des masques cousus en pagne. Tu peux le porter en une journée et le soir, le faire bouillir pendant 20 minutes et puis le sécher. Ce masque peut être utilisé pendant plusieurs jours car c'est un mouchoir propre qui peut être utilisé même pour se protéger contre la poussière étant dans votre bureau ou dans les travaux de tous les jours. Ces autres sortes de masques ne peuvent pas dépasser une journée. Le docteur Tadé Ndikumana, ministre burundais de la Santé publique, et vous voudrez bien nous excuser de la qualité sonore de cet élément, toujours en page santé. À tout individu, l'administration, les leaders religieux et les directeurs des établissements scolaires sont appelés à débattre des questions relatives à la promotion de la santé sexuelle des adolescents et des jeunes pour lutter contre les grossesses non désirées, la contamination du VIH-Sida et autres maladies. L'appel est lancé ce lundi par la représentante légale de l'Alliance burundaise contre le Sida et la promotion de la santé lors d'une conférence et débat sur la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Delphine Niuhi défilé demande aux jeunes à leur tour de prendre leur part de responsabilité et suivre le conseil pour leur bien-être. En page politique, les candidats qui battent campagne pour l'élection sénatoriale prévue le 20 courant sont appelés au respect de la loi. Cet appel a été lancé ce mercredi dans un point de presse tenu par Pierre Clavier Kazis, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, à 12 jours de cette élection sénatoriale. On l'écoute. Ce jour, nous sommes le 11e jour de campagne électorale qui a débuté le 27 juin dernier suite au décret présidentiel du 25 juin portant ouverture et clôture de cette campagne qui va durer jusqu'au 17 juillet. Alors, qui sont les candidats? La province étant la circonscription électorale. Donc, deux candidats par province provenant des partis politiques CNDD, FDD et CNL dans toutes les provinces, candidats avec leurs suppléants, chaque candidat ayant trois suppléants. Il y a deux candidats par province dans huit provinces provenant du parti UPRONA avec leurs suppléants également, les trois suppléants par candidat. Deux candidats du parti APDR avec leurs suppléants en mairie de Bujumbura. Deux candidats du parti Sangwe Pader avec leurs suppléants en province de Karusi et un candidat indépendant en province d'Obururi. Qui sont les électeurs? Ce sont les membres des conseils communaux de chaque province. Donc, les conseils communaux de chaque province constituent le collège électoral qui va, n'est-ce pas, procéder à l'élection. La campagne électorale en cours doit respecter les dispositions légales et réglementaires, c'est-à-dire se dérouler de 6h du matin jusqu'à 18h, se faire à travers les messages, les discours, les affiches, les réunions et autres moyens de communication, et bien sûr, se faire sous réserve du respect de l'ordre public. Les réunions électorales doivent être déclarées auprès de l'autorité administrative locale, que les injures et la diffamation sont interdites, de même que les dons en argent ou en nature, ainsi que l'utilisation des biens publics. L'élection proprement dite aura lieu le 20 juillet et deux sénateurs seront élus par province. Ils rejoindront l'institution sénatoriale nationale, de même que trois autres sénateurs d'ethnie qui seront cooptés. Et quant aux candidats à l'élection collinaire aux deux quartiers qui battent campagne prématurément, le président de la CENI appelle ses candidats à l'arrêt de leur campagne et d'attendre le décret présidentiel convoquant cette élection. Suivez encore une fois Pierre Clavier Kazihi, c'est président de la CENI. En ce qui concerne l'élection des conseillers de colline ou de quartier, il faut dire que nous sommes actuellement encore à l'étape d'enregistrement et d'analyse des candidatures. D'ici le 17 juillet, les commissions électorales communales indépendantes vont publier les listes des candidats retenus. Malheureusement, nous apprenons qu'il y a déjà des candidats conseillers qui ont commencé leur campagne électorale. Et nous voulions les appeler ici pour leur dire d'arrêter cette campagne, d'enlever les affiches qu'ils ont posées et attendre qu'effectivement la période de campagne commence dans les jours à venir. La campagne va se faire quand le décret présidentiel qui l'organise va sortir. Et sur notre chronogramme, la campagne est programmée au mois d'août parce qu'il faut que toutes les dispositions réglementaires soient en place. Et tant que l'on parle des conseils collinaires, le conseil de colline ou de quartier est composé de 5 personnes élues au suffrage universel direct dans la localité, comme stipulé par le code électoral et la loi portant organisation de l'administration communale. Ces conseils collinaires ne sont pas élus sur base des listes et des partis politiques, mais se portent plutôt à titre indépendant. Le candidat membre du conseil de colline ou de quartier doit aussi jouir d'une intégrité irréprochable dans l'entourage, comme prévu par l'article 172 du code électoral. Les détails avec Eline Bell Nibigir. À part la moralité et l'intégrité dans l'entourage, le membre du conseil de colline ou de quartier doit être de nationalité burundaise, qui est légalement domicilié sur la colline ou au quartier. Enfin, il faut détenir la carte d'électeur ou être enrôlé comme électeur. L'article 177 du code électoral précise que sont proclamés élus 5 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité de voix, c'est le plus âgé qui est élevé au conseil collinaire ou de quartier s'ils sont de même sexe. Au cas contraire, c'est la personne du sexe moins représenté qui est élue. Ainsi, c'est le candidat ayant obtenu le plus de voix qui devient chef collinaire. Les membres du conseil collinaire ou de quartier sont élus pour un mandat de 5 ans. Toutefois, leur mandat peut prendre fin en cas de décès, de démission, de fautes graves qui causent leur destitution, mais après délibération du conseil communal, prévoit la 179e disposition du code électoral. Entre autres missions du conseiller collinaire ou de quartier, prévu par la loi communale, c'est d'assurer sur la colline ou au sein du quartier l'arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage. Il y suit également, au nom de la population, la gestion des affaires de la colline ou du quartier. Le chef collinaire ou de quartier, de même que d'autres membres du conseil de colline ou de quartier, perçoivent une indemnité exemptée d'impôts à charge de la commune. Vous n'avez pas Isangani Lo ? Vous ratez l'essentiel. À 13h06 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page agriculture. Le paiement de l'avance pour l'engrais subventionné qui sera utilisé pendant la saison culturelle 2021 débute lundi 13 juillet pour prendre fin le 2 août de cette année. Cela ressort d'un communiqué du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage de ce mercredi. Dans ce communiqué, le dit ministère appelle l'administration à sensibiliser sur chaque colline les agriculteurs et les coopératives opérant dans le secteur agricole à payer cette avance à temps et cela dans le but de se procurer des sacs d'engrais de la chaux suivant leurs besoins exprimés. Le communiqué signale également que le paiement s'opère par dons des COPEC et poste et via l'UMICASH. En province Kirundo, la population de la commune Bgambarangwe demande aux nouvelles institutions de mettre en application le projet de la route bitumée promise depuis les années antérieures. Les passagers disent avoir des difficultés pour se rendre au chef-lieu de cette province car ils font plus de 46 km dans une route en mauvais état. Ils disent se lever très tôt vers 4h ou 5h du matin pour partir avec des commerçants faisant des navettes à Ngozi ou à Bujumbura et le ticket aller-retour s'estimant entre 15 et 17 000 francs burundais. Le point avec Abraham Safari. La commune de Bgambarangwe est la seule située à une grande distance par rapport aux autres communes de la province de Kirundo car elle est située à 46 km à partir du chef-lieu de cette province et avant d'y arriver, on doit absolument passer par la commune de Busoni, une commune la plus vaste par rapport à cette autre commune de la province de Kirundo. La même commune de Bgambarangwe est frontalière à la commune de Butihinda jusqu'à Kobero à la frontière burundo-tanzanienne. Certains gens ainsi que l'administrateur de cette commune, Febroni Ningabiye, demande aux nouvelles institutions du pays, sans oublier leurs représentants auprès de ces dernières, de rappeler la mise en application de la route bitumée en promesse depuis les années antérieures, une route qui partirait de la commune de Kirundo en passant par les communes de Busoni, Bgambarangwe jusqu'à Kobero en commune de Butihinda. Cela faciliterait également les commerçants de Kirundo qui, avant d'aller faire leurs affaires en Tanzanie, doivent passer par le centre de Muyinga en trajet double par rapport au trajet Kirundo, Bgambarangwe, Kobero. D'autres qui en profiteront beaucoup sont des passagers qui se rendent au chef-lieu de la province de Kirundo. Suite au manque de véhicules de transport, ils sont obligés de s'embarquer dans des véhicules des commerçants qui font leurs affaires à Ngozi ou à Bujumbura. Ceux-ci se lèvent très tôt, entre 4h et 5h du matin. Et ces passagers, s'il s'agit de la période de la saison sèche, ils arrivent au centre de Kirundo couverts de poussière partout. Quant au ticket aller-retour de Bgambarangwe Kirundo, il donne une somme allant de 15 à 17 000 francs. La population demande au gouvernement de mettre en avant ce projet parmi ceux destinés à la province de Kirundo. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Abraham Safari, à 13h09 dans les studios de la radio Isanganiro, parlons des nouvelles de l'EAC. Le secrétariat de la communauté est-africaine dément les informations publiées la semaine dernière par le journal en ligne The East African du Kenya, comme quoi le Burundi et le Sud-Soudan ont été suspendus des activités de cette communauté pour défaut de paiement de leurs obligations financières. Ce secrétariat s'étonne de voir que ce journal cite deux pays seulement alors que tous les cinq pays membres ont des arrières. Et ce secrétariat ajoute que les activités de cette communauté ont été paralysées par différents événements comme les élections au Burundi et la pandémie du COVID-19. Le point avec Armel Moutore. Le secrétariat de la Communauté de l'Afrique de l'Est s'indigne des fausses déclarations et de la désinformation apparaissant dans un article sorti par le journal en ligne de East African du Kenya, tout en tenant à déclarer qu'il a beaucoup de respect pour ce média qui sert le public régional en mettant en évidence, entre autres, le processus d'intégration de l'EAC. Le secrétaire de l'EAC souhaite clarifier les questions apparaissant dans l'article comme quoi il y aurait des arriérés de salaire pour les employés et les parlementaires de l'EAC et que le Burundi et le Sud-Soudan font face à la sortie de cette communauté pour défaut de paiement de leurs obligations financières. Le secrétariat de l'EAC sur son site officiel dit que le journal proclame que l'Assemblée a adopté une résolution visant à expulser la République du Burundi et la République du Sud-Soudan et dit que rien n'est loin de la vérité. La motion proposée par l'honorable Aden Omar Abdikadir a recommandé au Conseil d'exhorter le sommet à mettre en œuvre les articles 132, alinéa 4 et 146 du traité instituant la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les articles 132 alinéa 4 et 146 sont clairs sur les obligations de tous les États partenaires et les sanctions à ceux qui manquent à leurs obligations. En l'état actuel des choses, poursuit le même communiqué de l'EAC, tous les États partenaires, sauf un, sont en défaut d'obligation. Le secrétaire de l'EAC dit ne pas savoir pourquoi le journaliste a retenu deux États partenaires et a annoncé qu'il serait expulsé. Conformément aux règles de règlement financier de l'EAC, les prévisions budgétaires de la communauté étaient prêtes début mars 2020. Une réunion du Conseil qui devrait se tenir plus tard dans le mois pour approuver les prévisions a été reportée en raison d'une demande de la République du Soudan du Sud qui a déclaré qu'il était toujours en train de mettre en place le gouvernement de transition de l'Union nationale. Le traité prescrit un quorum pour les réunions de l'EAC en tant que présence de tous les États partenaires. En avril, la République du Burundi a écrit pour informer le secrétariat qu'elle ne serait pas disponible pour participer aux réunions de l'EAC du 27 avril au 25 mai 2020 alors qu'elle entamait des campagnes pour les élections présidentielles, parlementaires et communales qui se sont tenues le 20 mai de cette année. Cela signifiait qu'aucune réunion du Conseil ou tout autre organe de l'EAC ne pouvait être convoqué à son moment. Suite au décès du président de la République du Burundi et au décès du ministre des Affaires de l'EAC de la République du Sud-Soudan, la communauté est entrée dans une longue période de deuil. Tous ces événements expliquent le retard pris par le Conseil pour déposer le budget de l'exercice 2020-2021 devant le Parlement de l'EAC avant la date limite du 30 juin, comme l'exige le traité. Différents États partenaires, à différents moments, ont demandé le report des réunions pour diverses raisons. En outre, ajoute le secrétariat de l'EAC, l'article implique que les mauvaises relations entre le secrétaire général, qui est du Burundi d'une part, et le président du Conseil des ministres de l'EAC, qui est du Rwanda, serait en partie responsable de l'impasse budgétaire et d'ajouter qu'il n'y avait aucune allusion à une telle relation lors du débat à l'Assemblée et de conclure que les rumeurs, les insinuations et les mensonges purs et simples ne devraient pas faire la une de l'actualité des médias aussi respectables que de East African du Kenya et demande un démenti de sa part. Parle, rassure-moi. Le discours humanisant est celui qui reconnaît la dignité humaine chez l'autre. Dans notre chronique d'aujourd'hui, Disma Sendai Kenguru, qui est consultant en prévention des conflits et consolidation de la paix, dit que ce langage permet de consolider la paix et la cohésion dans la communauté. La chronique N est signée Aubin Niyonkuru. Le discours humanisant est un antonyme d'un discours déshumanisant, du moment que celui-ci consiste à ne pas considérer quelqu'un comme une personne à part entière. Lorsque vous ne partagez pas le même groupe ou la même opinion, le langage humanisant est plutôt rassembleur. Dismas Ndai Kenguru Kiye explique la façon dont se manifeste le message déshumanisant. La façon la plus répandue de déshumanisation consiste à coller les noms des animaux aux personnes. Dans un discours humanisant, on se réfère aux autres par rapport à par leur propre nom ou le nom de leur groupe. Les gens qui utilisent un langage humanisant, ce sont des gens qui ont déjà compris que toute personne a été créée à l'image de Dieu et appartient à la famille humaine. Ce langage humanisant joue plutôt un rôle prépondérant dans la prévention des conflits ou des violences de masse. Normalement, le fait de choisir une personne ou lui coller un nom d'un animal, c'est lui exclure de la famille humaine. De ce fait, il devient plus facile pour certains de lui faire du mal ou de ne pas sentir de la compassion pour elle. Donc, un discours humanisant joue un rôle plus important dans la prévention des l'atrocité de masse, du fait que l'histoire a déjà montré que les discours déshumanisants ont toujours été des signes précurseurs pour tous les génocides que le monde a déjà connus. Par exemple, pour massacrer le peuple juif, le gouvernement nazi comparait les juifs aux rats. Cet expert en prévention des conflits souligne également que le statut de celui qui prononce ce genre de discours influence d'une façon ou d'une autre. Ça dépend du statut du désert. Par exemple, lorsqu'un leader prononce ou utilise un discours humanisant, c'est comme s'il lance un appel à ses suiveurs d'adopter la même attitude. Je veux dire, par exemple, pour le cas d'un génocide, il faut qu'il y ait un leader à la tête qui utilise des discours déshumanisants. Par contre, si un leader utilise un discours humanisant, il sert d'exemple à ses suiveurs pour adopter une attitude de tolérance. En cas de compétition politique ou même d'autres, il interpelle les leaders de toujours adopter ce discours humanisant. Aubin Niongouroua, à 13h15 dans le studio de la radio Essanganiro. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée de ce mercredi 8 juillet. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Très bonne journée à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.